précipité, quelle heure est-il? Le réveil a-t-il bien sonné? Quelle heure est-il? Et sauté le petit déjeuner, quelle heure est-il? En retard pour s'en aller, quelle heure est-il? À chaque heure de la journée, chaque geste chronométré, chaque minute est planifiée afin de faciliter la ponctualité. Un peu plus tard à la ville, quelle heure est-il? Cafétéria à la file, quelle heure est-il? Le temps de se refaire de la bile, quelle heure est-il? Et allez, faut y retourner pile, quelle heure est-il? Temps double et temps régulier, temps de repos, temps de s'affairer, temps calculé, temps compté, temps travaillé, temps payé, la temporalité. Commence, oui.